Oui, Jean-Pierre. Oui, salut Jean-Claude. Ah, tu joues de la guitare, c'est cool. Dis-moi, je voulais savoir, pour les actions là de Patigel, comment qu'on fait? T'as combien? Bah, elles sont descendues à 85 euros quand même. Ouais, 85. Vendez. Vendez tout.